Hier, oui. Les travailleurs ont reçu de la visite hier matin, là. C'est des dirigeants syndicaux qui sont venus... Dans la grève. Ouais, qui sont venus préparer la grève, expliquer un peu les enjeux. Ils ont bloqué la vue aux caméramans aussi. Tu sais, ils ont fait du syndicat, là. Comme dans le bon vieux temps. C'est là. Ça. Comme dans le temps des six équipes. On veut te faire entendre une pub de l'Alliance syndicale qui roule ici à choix sur les pauvres travailleurs du secteur de la construction. C'est un spin gratis en passant. On ne charge pas pour celui-là. Depuis 12 semaines... Les représentants syndicaux de tous les travailleurs de la construction négocient les conventions collectives. Un travailleur de la construction gagne en moyenne 35 000 $ par année. Que diriez-vous si on vous obligeait à travailler 6 jours par semaine? Que diriez-vous si, en plus, on réduisait votre taux horaire pendant vos heures supplémentaires? Les travailleurs de la construction disent non à ces demandes. Devant l'impasse, il y aura grève le 17 juin. Appuyons les travailleurs. Un message de l'Alliance syndicale de la construction. Hey, 35 000 par année est bonne. Hein? Es-tu ému? Par année, je sais pas combien d'heures qu'ils travaillent par mois, mais écoute, ça n'a pas de bon sens de dire ça. D'ailleurs, hier, j'ai un travailleur qui m'a écrit, il m'a dit, écoute, ça fait 9 ans que je travaille dans la construction. Il dit, même quand j'étais apprenti, je faisais plus que ça par année. Et je sais pas où est-ce qu'ils ont pris leur chiffre de 35 000 $ par année. Ils doivent compter le monde qui travaille pas, le monde qui travaille 6 mois par année. Je sais pas comment. C'est ce qu'on me dit. Sur live, des gens disent que la seule façon d'arriver à ce calcul-là, c'est effectivement de prendre ces travailleurs-là. Ben oui. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à des chiffres comme ça. Donc, ils prennent des travailleurs à temps partiel, puis ils disent, ils gagnent juste 35 000 $ par année, pour petit. Ben oui, je comprends. Ils travaillent à temps partiel. Puis, le fait que le monde, tu sais, ils travaillent le samedi, mais oui, ça arrive. Il y a du monde qui travaille dehors, puis qu'il y a des journées qui pleut, ils travaillent pas. Aujourd'hui, il va pleuvoir, là. Il y a du monde qui travailleront pas sur la construction, puis ils vont se reprendre leurs heures le samedi. C'est un scandale, ça. Y a-tu quelqu'un qui est mort de ça? C'est quoi, là, leur maudite revendication? Je la comprends pas. Je pense qu'en écoutant ça, il y a bien des travailleurs, là, qui ont pas les conditions des gars de la construction puis qui trouvent bien chanceux. Puis quand ils écoutent ça, là, ils trouvent qu'ils ont l'air une gang de bébés broyeurs qui se plaignent le ventre plein. Mais ce qui est problématique dans ce dossier-là, Eric, c'est que c'est rendu un cercle terriblement vicieux. Puis moi, ce que je sais par en dessous, c'est que les travailleurs là qui sont sur le chantier du Colisée, là, ils les voient arriver avec le botte de shérif, puis ils prennent toute la place, puis ils leur disent « fais ci, fais ça, fais telle patente », puis eux autres sont pognés un peu là-dedans, puis ils ont peur recevoir de la visite à 9h30 le soir, de faire cogner à leur porte par des grosses épaules, puis ils font rien. Eux autres, probablement, qui entendent le spot, ils disent « ben voyons donc, c'est pas ça, là, c'est pas la réalité, ça a pas de maudit bon sens ce qu'ils disent là », mais en même temps, ils vont tous se fermer à trappe parce que le climat de peur est encore très bien installé. Puis faites les commissions ou d'enquête que vous voulez, on dirait que malheureusement, ça a pas changé. Non, c'est malheureusement l'industrie de la construction au Québec, on a encore des gorilles, il y a des syndicats qui se comportent comme si on était dans les années, à l'âge des cavernes, en fait. C'est encore, malheureusement, le vieux syndicalisme de revendication des années 60-70. Ces syndicats-là n'ont pas été capables de se moderniser puis de se mettre en mode du jour. Ils sont déphasés, ils sont plus dans le monde d'aujourd'hui. Et malheureusement, ils ne se font pas rappeler à l'ordre par les grandes centrales syndicales. C'est la FTQ, la CSN ne les rappellent pas à l'ordre. Au contraire, ils les encouragent puis ils font des campagnes comme celles qu'on vient d'entendre. Le problème, encore une fois, là, oui, les travailleurs, là, que je suis d'accord avec toi, Denis, là, ils sont pas responsables de ça. Ils sont victimes de ce système-là. Et tout le monde souffre de ce système-là au Québec. Les contribuables souffrent, les entrepreneurs souffrent, puis les travailleurs souffrent. Et la solution, là, c'est même pas de donner raison aux employeurs dans le cadre de la négociation actuelle ou aux syndicats. La solution, ça serait de mettre fin au monopole syndical dans l'industrie de la construction. Évidemment, c'est un vœu pieux parce qu'il n'y a pas un politicien, un seul député, c'est 125 à l'Assemblée nationale, qui a la moitié d'une couille pour dire ça publiquement, mais c'est ça la solution. Puis tant et aussi longtemps qu'on fera pas ça, il n'y en aura pas de solution, puis on va être pogné avec de la merde, on va être pogné avec des grèves, on va être pogné avec le fait qu'on paye 30% de plus pour des chantiers au Québec, on va être pogné avec des dépassements de coûts, on va être pogné avec de la collusion à tour de bras, puis attendez à la commission Charbonneau, vous en allez entendre des vertes et des pommures sur les syndicats dans le domaine de la construction dans les prochains mois. Je veux dire, rien ne changera. Les noms vont peut-être changer, on va en mettre une coupe en prison, mais rien va changer, le système pourri va rester là et ces négociations-là mettent en relief le problème, comment on est pris en otage, autant les employeurs, autant les contribuables, autant le gouvernement, par des organisations syndicales qui ont un monopole puis qui en abusent. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Puis le Colisée, là, Si vous l'auriez construit n'importe où ailleurs en Amérique du Nord, mais il aurait probablement coûté 100 millions de moins. Ouais. C'est ça que ça veut dire concrètement, là. Mais qu'est-ce que tu veux? On aime tellement le hockey, Eric. C'est comme ça. OK, on recommencera pas le bout. Non, on le fera à un moment donné. Hey, mais juste avant de te laisser, Eric, je veux absolument que tu nous racontes l'histoire que tu m'as racontée de Vannebière en fin de semaine à Montréal. Oui. Concernant la ronde et les syndicats. C'est épouvantable, cette histoire-là. Raconte ça aux auditeurs. Écoutez bien ça. En fin de semaine, il y avait une formation. OK, les jeunes qui vont travailler à Ronde pendant l'été, là, des étudiants qui ont été embauchés, sont tous contents, ils s'en vont travailler à Ronde. En fin de semaine, c'était leur formation parce qu'ils commencent leur job d'été, là. Alors là, des jeunes étudiants de 16-17 ans se réunissent, et là, c'est le local 301 de la STQ, là, le syndicat des cols bleus de Montréal qui est réuni. Et là, croyez-le ou non, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent le livre de Jean Lapierre, pas le gars qui fait des chroniques à TVA. Là. Jean Lapierre, le syndicaliste, là, un autre là, qui est dans la même mentalité que ceux qu'on vient de décrire. Celui qui a une statue. Il y a sa statue avec le bronze là, sur le boulevard Papineau à Montréal avec le point nazaire. C'est le gars qui avait défoncé l'hôtel de ville de Montréal à coups de bélier pour rentrer en dedans puis pour tout défoncer puis saccager. Là. Okay. Le même style que la fille à Cadir, genre. Fait que là, il donne le livre de ce gars-là, il donne la convention collective, il donne des guidis du syndicat, là, un crayon, un calendrier, et là, ça commence la formation. Et au bout de la formation ultime, là, l'aboutissement de tout ça, c'est qu'il faut qu'ils prennent le livre de Jean Lapierre, ils mettent la main sur le livre, puis l'autre main dans les airs, ils lisent un serment d'allégeance au syndicat. Et je vais vous lire le serment d'allégeance, j'ai même la feuille, je l'ai mis sur mon Facebook, ceux qui me croient pas, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, vous allez voir, les logos du syndicat sont là, puis il y a tout est écrit. Pis le serment se lit comme suit. Je promets solennellement et déclare que j'appuierai et obéirai aux statuts et règlements du syndicat et à ceux du syndicat canadien de la fonction publique, et que tant que je le pourrai, j'aiderai mes camarades, hein, comme en Russie, comme en ex-URSS, comme en Cuba, mes camarades membres et leurs familles quand ils ou elles seront dans la détresse, que jamais sciemment ou de propos délibérés, je ne causerai de tort à un membre du syndicat ou aiderai à d'autres à lui en causer, et je ne recommanderai jamais pour devenir membre du syndicat une personne que je croirais indigne de le devenir. Je reconnais comme membre du syndicat que si je ne me conforme pas sciemment ou de propos délibérés à cette promesse solennelle, je suis exposé aux sanctions prévues à l'article 22 du statut et règlement de notre section locale. Fin de la citation, fin du serment. C'est pas qu'une petite affaire. Ils prennent ça puis ils font faire ça à des enfants du monde qui sont même pas majeurs, qui ont même pas le droit de vote, là. Ils leur font obligés à allégeance au syndicat. Écoute, ça me rend là, à l'envers, puis ça passe. Dans le Québec d'aujourd'hui, il y a du monde qui trouve ça normal. Mais je m'excuse, là, mais allez vous faire soigner. C'est pas normal de trouver ça normal. Un syndicat, là, c'est pas une secte. Ils agissent comme s'ils sont une secte. Imaginez une seconde qu'il y a un curé dans un sol d'église là qui ferait faire un serment religieux à des jeunes de 16 ans du même style, là. Un serment d'allégeance à l'église catholique, on serait outré, on hurlerait à matin, là. Et là, eux autres, là, c'est pas du monde qui s'en vont là pour être syndicalistes, ils s'en vont là pour avoir une job d'été pour la ville de Montréal. Puis leur allégeance, là, ça devrait être envers les contribuables de Montréal, pas envers un maudit syndicat. Ou envers les clients, c'est envers les clients, l'allégeance. Puis, un syndicat, là, c'est supposé être au service de ses membres, au service des travailleurs, pas le contraire. C'est pas les travailleurs qui sont supposés être au service du syndicat. C'est quoi ça, cette idée-là? Qu'est-ce qui se passe au Québec aujourd'hui? Mais c'est une religion. Je veux dire, pour ces gens-là, c'est vraiment l'équivalent d'une religion comme pour les musulmans, les catholiques. C'est la même affaire. Les écolos, effectivement. Hey, là, le serment de profession de foi, toi, ça va être beau. Non, donc. Ça va être beau. Écoute, c'est fou, Red. Alors là, il y a des parents qui m'ont envoyé ça. Ils capotent, ben, là. J'imagine. Tous tes parents, ton fils te revient ou ta fille te revient le soir avec son serment d'allégeance qu'elle a fait au syndicat, puis qu'elle te montre ça. Là, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il ose même pas appeler le syndicat puis les envoyer promener puis leur dire de manger ce qu'il pense parce que il a peur des représailles, il a peur que son gars ou sa fille perde sa job d'été. Là, ils savent pas quoi faire, les parents, là. Puis de moi non plus, là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ils m'envoient ça, puis ils me disent, Éric, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est décourageant. Quand est-ce que tu te présentes à la mairie du plateau, là?